La pression s'accentue exprès, aussi vrai que mon accent tue en express. Pour les refrains sur les ondes, je m'empresse de foutre le ramdam. C'est à Oax, accentue ma présence, y'a bon banania. Je m'abonne à France Télécom, tu veux mouvance, bip mon tam-tam. Certains pensent pour joindre le Gabon au dom-tom, en bled au jeu du tam-tam. Je plaide pour les gars, bon les mauvais tirent gom-com. Si tu cèdes, c'est le mauvais chemin, écoute, je te dis que tu déconnes. Aujourd'hui, t'as eu des échos, on s'achemine vers les sommets. Comme au chemin et Gilbert Déco, Serge M, c'est chum, faut que je perce, c'est sur même par la cheminée. GYLFA pour miner la place, la Dream Team, Vas, Aspic, Awax, Yannick Kim, on panique les flics et Bernard Minet. Si tu frimes, trace, titi, tu déterminé. Si on se croise, flip, c'est la rencontre du 13ème type. Chaque étape, je mouille le maillot, réfléchis, cogite, tourne la maillot et guise le crayon. Pour que le bono tombe de façon variée, c'est sur ma poire on pariait, sois pas contrarié. J'ai lâché le cahier, ça y est, ça se met à brailler. Rap ou boxe, découragé, tu peux toujours essayer, je bosse pour briller. Bien crier le bis, commence à me payer. Un fils d'enculé, une vraie tête brûlée, graine fut reculée, mais fulé, je le scrupuleux. Pour qu'il joue le jeu, je dois être moins crapuleux. Respect oblige, façon j'avoue le bouleur, j'ai représenté pour un gars plein de culot. Fais bien de flipper le rap, quelque j'taille, te rattrape pas. J'étais trop sensible, une vraie chochotte, alors gars, sauve-toi. Je consomme pas d'histoire, fils à papa. Ça me passionne pas, je trouve pas ça exaltant. D'ailleurs j'ai pas le temps. Quand on bigot c'est pour faire l'argent. Énervant pas vrai monsieur l'agent. Émergent d'une ère sans avenir ou seul dispersant. Anti-costard super sang, à fond dedans à 100%. Je pour les gars en vêture sportive blasé de sang. Qui se tape, se bat pour s'en sortir. J'ai pas juste à mortir dans salle pour foireux. Fumer où y'a que mort tu t'en tires. Le mal mon empire, je parle que ça empire. Comment ralentir si mon voisin de palier les flics du coin peuvent pas me sentir. Coup de saga, c'est comme ça je fais. D'adleur, si ma tia tressé. Pour la clique à représente Joe. One Love 97-98. Les jambes que je manigage, la vie des MJ Renoir peuvent créer la gijanie entre tes refraîchis à moi. À page de Kuga, yo, crash devant les lougas. Féroce, rime, track, braque, le mic craché comme Bouddha. Ouf de pape comme Magé, agressif comme Xena. Si les MJ me tâchent, touche, tu vois, je tâche des Xema. Le MA, je manie quand je brûle, je fais peur aux Jalbi. Non, j'ai trop de chalmani, gratte mon pif et le cul des Barbie. Quand j'explose, j'ai doge des pros, j'ai des bris d'MJ partout. Des cicatrices, je crame à des lébiles comme des tatous. Créché et la mafia gagne des gounigas, j'ai cogé. Traque-moi dans les régies 9-3, j'ai la tête tragée. Info lancée, insolent, c'est mots sensés. Flow insensé, pure pensée, mécanique compensée. D'Afrique à Vitry trans, les mouvances dépensent pas le fric dans la santé. Laisse la chance, pensez, investisse pour avancer dans le biz. Le real G's, finance et m'escorte. Carvas représente pour ses potes, apporte son éminence grise. Fils en une prise, c'est balancé. Mais c'est pas le Pérou, t'as beau doser. Poser plus de damaja que Jérou. Faire le mérou, tant que tu déroules pas des rimes cool. Passe-moi le microphone, j'ai les munitions. Je suis arrivé en renfort, poursuivons l'expédition. Punitif contre l'industrie musicale. Requiem pour tous les pecnos quand je me pose sur l'instrumental. Assassin verbal, MC qui en a dans le son cale. Je suis réputé pour l'assassinat verbal de toutes les pédales. Tous ceux qui baissent leur slope, Guy MC va mettre à mort afin de nettoyer le hip-hop. Ils ont le blues, car elles courent après moi, ils me jalousent. Ils ont le blues, car mon croix, les femmes, le flow, le flouze. Ils ont le blues, car par mon flow, ils sont dépassés. Repense aux années passées, époque dépassée, où le rap n'était pas à ce niveau. Avant que mon possi, la mafia tressée, débarque pour mettre la barre plus haut. YK, 2 et c'est grave. Je viens, je me sens prêt, je te sens prêt, mes excuses. Les MC restent confusés. Les principes manient, plus de haine que la famille Johnny. Mantel le bat swing, défoncez, fêlez. Telle une drag queen, mais d'être le feeling. Bien trop puissant, pour le fighting. C'est le king qui s'élève au rang des héros. Suki, ça baisse tous les rivaux. Appelle moi Geronimo, bravo Nigo, t'as le cul dans le fond. C'est le navire à Ucho. Dixième dan, le vocal tête Windows. Skip for Zepado, Calzado, Mazo, Desperado, Bouton Rado, Sacco, Del Mario, Attends Wario. Sur Nintendo, pas de cadeau. Sur les microphones et les fast fus, comme une Astra. S'envole comme un astro, le petit robot. Et te cassera, des mal pro. Professionnel en extra, de l'impro. Calibra, futé comme un sabre, coup duquel ta femme kiffera, tout comme un vibro, tu flipperas. Car t'as la cobra, j'avais les gros. This is for my G's and this is for my hustlers. This is for my hustlers. Now back to my G's. OG came out of map, straight mafia. Put in the nigga, is what I got for ya. Rolling differently high. When I play my own before, headed to the south side. When my water's on the shore, yeah. Puto is a gang fang. And my the manos in the pocket. Lock them in the brain, so put your dead mind back into your pocket, fool. Cause if you start tripping, gonna show you how my mafia rules.